L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le télescope spatial NuSTAR vient de permettre de visualiser pour la première fois la structure du disque de matière entourant un trou noir supermassif. Et contrairement à l'image ordonnée et lisse que se faisaient les astrophysiciens jusqu'alors, ce disque apparaît très désordonné. Andrea Marinucci de l'Université de Rome et ses collaborateurs ne se sont pas contentés des seules données du télescope américain NuSTAR, mais ont également utilisé le télescope européen XMM Newton, spécialisé lui aussi dans les rayons X, pour étudier de près la matière entourant le trou noir supermassif de la galaxie NGC 1068. Cette galaxie est une galaxie relativement proche, située à 47 millions d'années-lumière. La spécificité de ce trou noir supermassif est qu'il est masqué par une très épaisse couche de gaz. Les chercheurs publient leurs observations dans les Monthly Notices Letters of the Royal Astronomical Society et ils y montrent à quel point la matière en rotation autour du trou noir n'a pas une belle forme lisse en forme de tore ou de donut, hein, si l'on préfère. Ce type de disque de gaz et de poussière a été en fait proposé au milieu des années 80 pour expliquer pourquoi certains trous noirs apparaissent masqués et d'autres non. Tout dépendrait de l'orientation sous laquelle on peut voir l'objet depuis la Terre. Si le tore de matière est vu par la tranche, le trou noir apparaît masqué derrière une grosse quantité de gaz. Et s'il est vu par le dessus ou par le dessous, non loin de son axe de rotation, alors nous avons plus facilement accès au rayonnement le plus intense, avec une probabilité de se trouver en plus exactement dans l'axe de rotation, c'est-à-dire dans la direction du jet de matière et de rayonnement associé au trou noir actif. En août 2014, NuSTAR observa une soudaine bouffée de rayons X en provenance du centre de NGC 1068, des rayons X de plus haute énergie que ceux détectables par XMM Newton. Les chercheurs ont fini par attribuer cette variation de luminosité X à un amincissement local de l'épais nuage de matière entourant le trou noir supermassif. Les observations de Marinucci et ses collègues sont les premières du genre sur un tore de matière ultra dense entourant un tel trou noir supermassif. Et ils indiquent que le phénomène vu pourrait être en fait très commun. Poshak Gandhi de l'université de Southampton et co-auteur de l'étude précise: nous ne comprenons pas encore complètement pourquoi certains trous noirs supermassifs sont si fortement obscurcis, ou pourquoi la matière les entourant est déstructurée. Cela reste un sujet d'étude brûlant. Ces connaissances sont importantes pour comprendre au mieux la croissance et l'évolution des trous noirs supermassifs au sein de leur galaxie hôte. La cause de la variabilité dans la structure du disque de matière peut être multiple selon les chercheurs. Le trou noir lui-même pourrait produire des turbulences lorsqu'il absorbe de la matière, ou bien ces turbulences pourraient être induites par des étoiles jeunes situées à proximité à l'extérieur du disque. Une troisième hypothèse proposée repose sur l'existence de flots de matière provenant de l'extérieur du disque et tombant dessus dans leur migration dans le champ gravitationnel du trou noir. La détermination de la cause du phénomène est la prochaine tâche que se sont fixées les astrophysiciens, la plus importante question étant de savoir si ces instabilités sont générées par l'extérieur ou par l'intérieur du disque. L'utilisation conjointe de plusieurs télescopes spatiaux simultanément se révèle dans tous les cas très fructueuse. L'article de Andrea Marinucci et ses collaborateurs est donc paru dans le volume 456 des Monthly Notices Letters of the Royal Astronomical Society en date du 11 février 2016. Oui, on voyage dans le temps avec les revues scientifiques, n'est-ce pas? Et il s'intitule NuSTAR Catches the Unveiling Nucleus of NGC 1068. À très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute et restez bien informés sur le www.sasepasselahaut.fr. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur podcloud.fr ainsi que sur iTunes. D'ici là, restez bien les yeux au ciel et surtout les pieds sur terre. Salut !